بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui nous allons donc prendre le hadith al-khamis achar, le 15e hadith, qui lui se rapporte au fait de parler en bien ou de se taire ou d'honorer le voisin ou l'invité. Donc قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أم ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر Falyukrim Daifa. Là, dans le livre, il y a une erreur, il y a écrit Fala. Falyukrim, ça c'est une erreur d'impression aussi. Donc c'est Falyukrim Jara. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Falyukrim Daifa. Donc il dit, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son invité. Et le hadith, c'est le muttafaqun alayhi, et là, c'est le lafz de muslim. C'est le mot rapporté par l'imam muslim. Rahimallahu ta'ala. Donc ce hadith, comme certains savants l'ont cité, est parmi les fondements du noble caractère. Comme le hadith, min husn islam al-mar'i talku ma la ya'ni. Que parmi la bienfaisance ou la perfection de la religion de la personne, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Et ce hadith également rentre dans ce chapitre qui touche au bon comportement à avoir, qui est le fait de parler en bien ou de se taire, et d'honorer le voisin et d'honorer l'invité. Et que cela fait partie de la foi. D'accord ? Cela fait partie de la foi, sont des actes, sont partie intégrante de la foi. Non. Donc le shir commence en disant « Kolohu » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أم ليصمت. Donc la parole dans le hadith, que celui qui croit en Allah, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. مفهومه أن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يسرسر بالكلام ما يصمت عن الشر. أما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وقوي إيمانه فإنه يكون خيرا أو يصمت. Donc il dit, ce qui est à comprendre de ce hadith, c'est que celui qui ne croit pas en Allah et au jour dernier n'a de cesse de jaser, de rabâcher, de parler, de radoter, de parler sans utilité. Et qui ne peut se taire du mal. Vous voyez, qui ne peut se taire du mal. Alors que contrairement à celui qui croit en Allah et au jour dernier, dont la foi a été renforcée, lui il dira du bien ou bien se taira. فَعَلَى كُلِّ مُسْلِمِينَ أَنْ يَقُولَ خَيْرًا أَمْ أو ليسمت فقل خير سبب صلاح الأعمال وغفران الذنوب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc il dit qu'il incombe à chaque musulman de dire du bien ou alors de se taire. Et le fait de dire du bien est une cause de réforme des actes, d'amélioration des actes, et du pardon des péchés. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste, afin qu'il réforme vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés, et que celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une grande réussite. » Dans le sens. « Wa anta bihajatin ila salah a'malik » من صلاة وصيام وسائل الأعمال والله كثير من الناس حرموا صلاح الأعمال بسبب ألسنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي أخيرتي التي إليها معادي والحديث في الصحيح. Donc il dit que nous sommes, ou plutôt toi, fa anta, tu es en grand besoin que tes œuvres soient réformées. Comme par exemple ta salat, ou ton jeûne, ou tous les autres actes. Toutes les autres œuvres. Et par Allah, beaucoup de gens ont été privés de la réforme de leurs actions à cause de leur langue. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Allah, réforme-moi ma religion, celle qui est, qui prend en charge toute mon affaire. » C'est-à-dire dans ce bas monde et en-delà. « Réforme-moi ma vie de ce bas monde, celle sur laquelle se base ma vie quotidienne. Réforme-moi mon au-delà, celle vers laquelle se trouve ma destinée, mon rendez-vous, c'est-à-dire le jugement. » Et le hadith est authentique. Allah subhanahu wa ta'ala yakul yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, dans le sens qu'il vous réforme vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Al qawlu sadidu tawhidullah. Et la parole juste, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar. Et l'interdiction du blâmable et l'obligation du convenable. وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ اللَّهِ, et la lecture du Coran et le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah. وَكُلُّ مَا يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, et tout ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَدَمُ السَّدِيدِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالْكَذِبِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا تَقْتَرِفُ بِهِ الْآثَامُ. Donc il dit, et la parole qui n'est pas juste, hein, celle qui ne l'est pas, le contraire de ce qui était cité, c'est le shirk. Et le mensonge. Et tout ce qui amène à tomber dans le péché. Tout ce qui amène à tomber dans le péché. Non. ومن السداد أن تسكت عن غير السديد كم من الأحاديث في الحث على القول السديد والبعد عن غير السديد. Donc il dit, et parmi la justesse, le fait de dire la bonne chose, le fait de se taire sur ce qui ne l'est pas, le fait de ne pas prononcer ce qui n'est pas sadid, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste. Et combien de hadiths sont venus pour inciter à cela de dire des paroles justes et de s'éloigner de ce qui ne l'est pas. Et de s'éloigner de ce qui ne l'est pas. Au min zalika hadithu sabaka al-dhufur bil-ujur wal-darajat al-ula yusalluna kama nusalli yusammuna kama nasum walahum fudul min amwalihim yahujjun wiyahtamirun wiyatasaddakun qala sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala shayin. تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم تسبحون وتحمدون وتكبرون الحديث فدلهم على كل سديد يدركون به أصحاب الأموال الطائلة الذين يتصدقون في سبيل الله. Donc il dit, parmi ces preuves, les hadiths qui appellent à dire de bonnes paroles, le hadith qui viendra par la suite également dans ce matn de Arba'in Nawawi, où des sahaba viennent se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire que les gens riches, aisés, hein, ont atteint un haut degré par le bien de leur argent. Car ils font la salat comme nous, ils jeûnent comme nous, cependant avec leur argent, ils peuvent faire le hajj, faire la umrah et faire des aumônes, contrairement à nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne vous démontrerai-je pas une chose par laquelle vous rattraperez ceux qui vous ont devancé et vous devancerez ceux qui sont derrière vous. Vous faites le tasbih, c'est-à-dire vous dites subhanallah. Normalement c'est 33 fois après chaque salawat. Et vous dites, vous faites le tahmid, c'est le fait de dire alhamdulillah. Et vous faites le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Donc dans ce hadith, il leur a démontré une parole juste, qawl sadid, par laquelle ils rattraperont, devanceront les gens fortunés. Ceux qui sont en mesure de faire l'aumône sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite également, il dit, parmi les preuves des paroles justes à prononcer, Hadith Abi Darda, où il dit, Ala adullukum ala khayrin a'malikum, wa askaha 'inda malikikum, wa arfa'aha fi darajatikum, wa khayru lakum min infaq al-dhahab wal-waraq, khayru lakum min an تلقوا عدوكم فتدربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aura dit, ne vous démontrerai-je pas la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre roi, celle qui vous élèvera le plus en degré, et celle qui est meilleure pour vous que le fait de dépenser de l'or ou de la monnaie, des billets quoi. Ou meilleur pour vous que le fait de rencontrer l'ennemi, qu'il vous frappe la nuque, c'est-à-dire qu'il vous tue, sur le sens d'Allah, ou alors que vous les tuez vous. Vous leur frappez la nuque pour leur donner la mort. Ils dirent, si, au messager d'Allah, il dit, le rappel d'Allah. Hein, donc la meilleure des œuvres, que le fait de faire de l'aumône, le fait qu'il lève en degré, ou meilleur que frapper les ennemis, et de se faire tuer sous le sort d'Allah, ou de tuer l'ennemi en jihad, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, zikrullah, le fait de faire le rappel. Et ça, ça rend dans Al-Qawl al-Sadid. Al-Qawl al-Sadid. Il a été rapporté, وَقَالَ وَابْنُ مَسْعُودْ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَقَّ بِتَوْلِ سِجْنِ مِنَ الْلِسَانِ. Et il a été rapporté d'Ibn Mas'ud qu'il dit qu'il n'y a pas une chose plus en droit d'être emprisonné une longue période si ce n'est la langue. Si ce n'est la langue. Ce qui l'empêcherait de dire des mauvaises paroles. وَقَالَ عَلِي السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمْ بِكَلِمَاتِ لَا يَلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوِي بِهَا فِي النَّارِ يَزِرُ بِهَا سَبْعِينَ خَلِيفَةً وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que certes, le serviteur prononce une parole sans qu'il ne s'en rende compte ou à laquelle il n'apporte aucune importance et celle-ci le fait tomber dans le feu, hein, dans un gouffre d'une profondeur de 70 printemps, ce qui équivaut à combien ? 70 ans. Pour une simple parole prononcée, l'amène à tomber dans l'enfer. Et il dit, certes, le serviteur prononce une parole provoquant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah lui prescrit cela, c'est-à-dire sa colère, jusqu'au jour où il le rencontrera. Une simple parole. Un mot, une phrase. Et il dit également, et certes, contrairement à cela, que le serviteur peut prononcer une parole qui amène l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, qui amène l'agrément d'Allah, jusqu'au jour où il le rencontrera. Une simple parole peut apporter également le contraire. L'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكسروا الكلام في غير ذكر الله فإن كسرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلوب قسوة للقلب وأبعد الناس من الله القلب القاسي. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il dit n'excédez pas dans le parler, hein, ne parlez pas trop dans autre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le fait de trop parler, la multitude des paroles amène à la dureté des cœurs. Cela amène à ce que les cœurs s'endurcissent. Et la personne la plus loin d'Allah, c'est celui qui a un cœur dur. Hein, la personne la plus éloignée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui est munie d'un cœur dur, endurci. أخرج الترمذي من حديث ابن عمر استدل بهذا الحديث على أن السكوت عن المباح أفضل من الكلام المباح. Donc il dit que l'imam Tirmidhi a rapporté ce hadith d'Ibn Omar et que les savants ont pris ce hadith comme preuve que le fait de parler d'une chose, du moins le fait de se taire d'une chose permise, est meilleur que le fait de parler d'une chose permise. Et d'autres savants ont, eux, émis le contraire, un avis contraire à celui-là. Hein, que des savants disent que le fait de se taire sur une chose permise, c'est-à-dire de ne pas en parler, est meilleur que le fait de la prononcer. Et le shir cite qu'il y a une divergence, que d'autres savants ont vu le contraire. Par exemple, Cheikh Othaymine, rahimahullah ta'ala, lui, dans ce hadith, dans son charh à lui, qu'est-ce qu'il explique ? Il dit, rahimahullah ta'ala, là, il dit qu'en fait, que parfois, le fait de prononcer une parole permise, d'accord, qui ne contient pas de mal, dans le but, par exemple, de réconforter les gens autour de toi, tes fréquentations, tu es avec eux, et tu leur parles d'une chose permise autre que le rappel d'Allah, afin de les réconforter, de les apaiser, de les soulager, ou de les mettre dans une bonne ambiance, tant que cela ne comporte pas d'interdit, cela rentre dans la bonne parole. Kalam al-khayr. Cela rentre dedans, donc cela est permis. Donc lui, il voit que le fait de dire une chose permise, parfois peut-être meilleur que le fait de se taire. Non. C'est une maslaha derrière, un intérêt et un profit apporté aux gens. Ensuite, Cheikh Yahya reprend en disant « Kam min insanin tujillu wa idha takallama yusarsiru yulaljilju bi kalamihi wa yaskutu min ayun an-nas wa akhar yakun ma lahu dhalika al-maqadir fa idha takallama tanatharat durur min fihi fa yuqaddar 'inda an-nas bi sabab dhalika al-kalam alladhi yakhruju min fihi min quli haqq wal tafkir billah وبتقوى الله وبطاعة الله. Donc il dit, il se peut qu'il y ait une personne qui soit fortement respectée aux yeux des gens, de haut rang, de haut degré, honorée, révérée, d'accord, et que pour cause qu'un jour il se mette à jaser de ce qui ne convient pas, de profaner des paroles inconvenables, et on va même dire hors sujet, cela le fait tomber aux yeux des gens. Toute sa valeur tombe aux yeux des gens. Pour une simple parole qu'il aura prononcée. Alors qu'un autre, n'ayant pas ce degré, n'ayant pas atteint le même statut que cette personne-là, viendra lui avec une parole forte, pleine de piété, pleine de droiture, et de rappel d'Allah, et pour cause de cette parole, cette personne-là sera élevée auprès des gens. Alors qu'à la base, le niveau de cette personne-là, son niveau peut-être scientifique ou autre, est plus bas que la première. Mais pour une parole prononcée, une parole prononcée, il se peut qu'il soit élevé auprès des gens. Également, il était rapporté de Cheikh Mokbil, rahimallahu ta'ala, qui disait qu'il se peut qu'une personne vienne avec une parole dans laquelle Allah ne mette pas de baraka pour peut-être les infractions qu'il aura commises lors de cette assise, ou pour du mal ou une chose qu'il y a dans son cœur. Il sera devant des milliers de personnes, une grande muhadara ou autre, devant des milliers de personnes, il parlera et sa parole n'aura aucune influence sur les gens. Alors que d'autres personnes pourront se retrouver à part dans une contrée perdue, pour son ikhlas et sa droiture, prononcera une parole enregistrée qui elle fera le tour du monde. Et apportera une influence chez les gens. Que la baraka soit présente dans cette parole-là. Pour ce que cette personne-là aura dans son cœur, comme droiture et comme ikhlas. Naam. Falshir, il poursuit en disant La taproul ala nasi bilisanika ya akhi. ولا تقول على نفسك بلسانك اي بالحق تخرجه منها وكم ترون من الفتن تجتنى عن طريق اللسان. Donc il dit, ô mon frère, ne sois pas avare avec les gens avec ta langue. Ne sois pas avare envers toi-même avec ta langue. C'est-à-dire en disant la vérité, en prononçant la vérité. Combien pouvons-nous voir de fitan, de troubles, résulté par la voix de la langue. Donc le chéri incite quoi ? Aux gens qui ont du bien, qu'ils prononcent, qu'ils parlent, qu'ils s'expriment, à dire la vérité, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils ne soient pas non plus timides. Car même être timide, ou plutôt dire « je n'ose pas parler à cause de ce que les gens, par rapport aux gens », cela peut entrer dans le ria, dans l'ostentation. Le fait de délaisser une chose que tu es en mesure de faire par crainte des gens, de ce que les gens pourraient dire ou quoi, cela peut être une porte qui mène au ria, à l'ostentation. Donc le shir lui dit, si tu as du bien en toi, parle, exprime-toi dans les limites de la législation. On l'a souvent entendu lors des cours, où il incite les gens à se lever, c'est-à-dire les gens qui ont le potentiel, à se lever, à faire des muhadara, à faire des khutbah dans leur contrée, dans leur ville, et de ne pas avoir peur. Et qu'au fur et à mesure, cela va s'estomper. Et il faut s'habituer à parler et s'exprimer devant les gens, tant qu'il y a du bien à dire. Non. Et également, comme il dit, combien de fitan, combien de troubles ont été provoqués par la langue. Une simple parole. De là, il poursuit en disant, « Rubba kalimatin yaktulu sahibaha fiha, ou yuktulu sahibaha fiha, rubba kalimatin yusjanu fiha, rubba kalimatin yuftanu biha, rubba kalimatin wahidatin yakhruju biha sahibaha min l'islam. قال تعالى عن المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. Donc il dit, il se peut qu'une simple parole tue celui qui l'aura prononcée, soit la cause de la mort de celui qui l'a prononcée, ou qu'elle soit une cause qui se fasse emprisonner, qui se fasse mettre en prison, ou qu'elle soit la cause qui se fasse éprouver, qu'il tombe dans une fitna. Hein? Ou alors, même pire que cela, que cette parole, simple parole, le fasse sortir de l'islam, qui pense une parole de kufr, comme une moquerie envers la religion, ou une parole contenant du shirk ou autre, le fasse sortir de l'islam, une simple parole. Wali'azu billah. Et Allah, dans le sens, il dit, à propos des munafiqins, des hypocrites, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit, alors qu'ils ont certes prononcé le kufr, et qu'ils ont mécru après avoir eu l'islam, et qu'ils ont projeté ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Pour de simples paroles, hein, cela les a fait quoi? Sortir de l'islam. Fa'ala hadha man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyakul khayran aw liyasmut. Wa thabata min hadith Abi Sa'id al-Khudri annahu qala ma min yawmin yusbihu fi al-insanu illa wal aghda kulluha. Là, il y a apparemment écrit tout kafir, mais je ne crois pas que ce soit le mot qui convienne. Il doit y avoir une erreur d'impression aussi. Tout kafir al-lisan taqulu ittaqillaha fina. Donc il dit, là il recite le hadith que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Et qu'il a été rapporté d'une parole de Saïd al-Khudri, qu'il ait dit qu'il n'est pas un jour qu'il ne se passe sans que les membres de l'individu se mettent, on va dire, là il y a écrit tout kafir, là, il y a dans le sens qui apparaît après, c'est pas le mot qui convient, on dirait. Il y a dit, on va dire que les membres se mettent à blâmer la langue. Les membres du corps se mettent à blâmer la langue. En lui disant, crains Allah en nous. Nous ne sommes qu'une partie de toi. Hein? Les membres ne sont qu'une partie de la langue. Si tu deviens droite, nous le serons aussi. Alors que si jamais tu divagues ou tu deviens tordu, nous le saurons aussi. C'est-à-dire que quoi, les membres suivent la langue. Cela, nous l'avons déjà cité dans d'autres ahadiths, dans l'autre cours précédent. Ou plutôt, que les membres suivent le cœur, bien entendu, et que la langue prononce ce que renferme le cœur. Et que les membres également, eux, le retransmettent en apparent. D'accord? Ce qui est dans ton cœur sera retransmis par ta langue et par tes membres. Non. Ensuite, il dit wa hadith Sa'd ibn Sa'd fil Bukhari. Man dama man yadmin li ma bayna lihatayhi wa ma bayna rijlayhi admun lahu al janna. Infarada bil Bukhari. Wa wahama an-Nawawi wa Imam an-Nawawi rahimahullah fi Riyad as-Salihin fa azahu li shaykhin. Donc le hadith de Sa'd ibn Sa'd rapporté par l'imam Bukhari, seul. Vous voyez, ce n'est pas un hadith qui est muttafaqun alayhi. C'est juste l'imam Bukhari qui l'a rapporté. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses... Là en arabe, c'est lihatayi. C'est ses deux barbes qui revient à ses deux lèvres. Hein? Celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres, c'est-à-dire sa langue, et celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire ses parties génitales, moi je lui garantis le paradis. C'est-à-dire celui qui parle en bien et qui ne fornique pas, le paradis lui garantit. Non. Et le shir cite que l'imam Nawawi, Rahimahullah Ta'ala, dans son livre Riyad al-Salihin, s'est trompé et a attribué ce hadith à l'imam Muslim également. Cependant, ce hadith n'a été rapporté que par l'imam al-Bukhari. Que par l'imam al-Bukhari, Rahimahullah Ta'ala. Wa qala ta'ala, wa kulli ibadi yakulu allati ya ahsan. Kalimatani. واحدة تراها طيبة والأخرى أطيب قال تعالى ينزع الشيطان بينهم أو ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا قل التي هي أطيب. Donc dans le sens, Allah dit à mes serviteurs de s'exprimer de la meilleure des façons. Donc si toi tu vois deux paroles, une qui est bonne et l'autre est meilleure, alors emploie la meilleure des deux. Emploie celle qui est meilleure des deux. Qui a dans le sens, Allah dit, Inna shaitan yanziru bainahum. Hein? Que shaitan sème les querelles et les litiges entre ses serviteurs. Et que certes, shaitan est un ennemi déclaré pour l'humain. Car Shaitan, lui, va se servir de la calimette qui est moins bien pour pouvoir semer le trouble entre les personnes et envenimer la situation. Par une parole. Par une parole. Donc choisis celle qui est la meilleure. Insallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fa yukrim jara. Donc là, dans le hadith, que celui qui croit en Allah le jour dernier, qu'il honore son voisin. Mais maintenant, dans la deuxième partie du hadith, qui est le fait d'honorer le voisin. وَفِي لِوَيَةٍ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَالِهِ. Dans une version, et qu'il soit bienfaisant envers son voisin. صَحِبُ الْإِيمَانِ تَجِدُ عِنْدَهُ مُجَاوَرَةً حَسَنَةً. Il est la raya. وَيَذْكُرُونَ عَنْ بَعْدِ الْحُكَمَاءَ أَنَّهُ اسْتَدَانَ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ بَيْتَهُ وَأَتَى بِالضِّيَفِ وَضِيَفَيْ قِيمَةَ الْبَيْتِ فَقَالُوا بَيْتُكَ مَا يُسَوِي إِلَى النِّصْفِ هَذِهِ الْقِيمَةِ قَالَ أَبِيعُ دَارِي وَجَارِي يعني أَبِيعُ مُجَاوَرَتِي فَعَلِمَ جَارَهُ أَوْ عَلِمَ جَارُهُ بِذَلِكَ الْقَوْلَ فَأَتَى وَدَفَعَ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ. Donc il dit que celui qui est muni d'une foi, d'une foi, tu le trouveras entretenir des bons liens de voisinage. Il sera un bon voisin. Du meilleur qu'il puisse. Et il cite, c'est-à-dire les gens de science, une histoire d'une personne sage. Je ne sais pas c'est quelle époque, est-ce que c'est les salafs. D'une personne sage qui avait pris une dette. D'accord ? Et donc pour rembourser cette dette, pour rendre cette dette, il décida de vendre sa maison. Cependant, il a mis comme prix sur sa maison le double de sa valeur. Et il mit comme prix de vente de sa maison le double de la valeur de la maison. Donc les gens lui dirent, mais ta maison ne vaut pas ce prix, elle n'en vaut que la moitié. Lui il dit, je vends ma maison et le voisinage et mon voisin. Et je vends ma maison et le voisin qui va avec. Et lorsque son voisin prit connaissance de cela, il vint et remboursa la dette de cette personne. Allahu Akbar. Du fait que quoi ? Il a vu que la maison, sa valeur est montée du fait que son voisin était une bonne personne, un bon voisin. Donc de là, il voit que sa maison est montée en valeur et l'a vendue plus cher. Et de là, son voisin ayant pris connaissance de ces paroles-là, touché par ces paroles-là, est venu et a remboursé la dette de lui-même. فَحُسْنُ الْجِوَارِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يَهُودِيًّا ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ هل هديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا ما أكثر ما تذكر جارك اليهودي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Donc il dit, parmi le bon voisinage cité dans le livre d'Allah, du moins le fait d'avoir un bon voisinage se basant sur le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que cela revient même à celui qui est un juif, par exemple. Si le voisin était un yahoudi, un juif, qu'il a un droit également à un bon voisinage selon ses limites. Par exemple, il a été rapporté que Ibn Omar disait, avez-vous offert un cadeau à notre voisin, le juif ? Il dit, tu cites énormément ton voisin, le juif. Tu en parles beaucoup. Donc il répondit en disant, j'ai entendu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dire que Jibril n'avait de cesse de m'exhorter à la bienfaisance envers mon voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait le faire hériter. Qu'il allait avoir droit à l'héritage. Falahu haqqu al-mujawara. Walau kana kafiran. Amman kana jaran musliman falahu haqqu al-mujawara. وحق الإسلام وإن كان جارا مسلما من ذوي الأرحام فله ثلاثة حقوق حق المجاورة وحق الإسلام وحق القرابة والجوار يكون في نحو 40 بيتا فيتعاهد جواره على هذا القدر وما استطاع من فعل الأخير لهم ولغيرهم فعل. Donc il dit que le juif a son droit de voisinage. Le kafir, le mécréant, a son droit de voisinage. Et qui n'est qu'un seul droit. voyez, que le kafir qui est ton voisin n'a qu'un seul droit qui est le droit du voisinage. C'est tout. Quant à celui qui est muslim, qui est ton voisin, lui, il a droit à deux. Il a deux droits. Les droits de l'islam et les droits du voisinage. Les droits de l'islam et ceux du bon voisinage. Et celui qui réunit trois droits, celui qui est ton voisin, qui est musulman et qui est un de tes proches parents. Lui, il a le droit de parenté, les droits de l'islam et les droits de voisinage. Cela inclut trois catégories. Mais on peut également en rajouter une quatrième qui est celui qui est ton voisin, kafir, et qui est aussi un proche. Car tu peux avoir un proche à toi qui est voisin et qui n'est pas musulman. Donc lui, il aura deux droits. Le droit du voisinage et le droit des liens de parenté. Non. Souvent, cette catégorie n'est pas citée, mais elle rentre dedans également. Car tu peux avoir un voisin, comme nous l'avons cité, qui est un kafir et qui est ton voisin. Donc il aura ses droits. Non, à respecter. Et il dit que le voisinage s'étend sur une distance de 40 maisons. Hein, de 40 maisons. Et que celui qui peut faire du bien pour toute personne résidant dans ce périmètre, alors qu'il le fasse. Mais d'autres savants eux disent que il n'y a rien d'affirmé d'authentique venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam citant cela, cette distance. Ils disent que le voisinage revient au urf, à ce qui est répandu chez les gens. En fonction des pays, des lieux où les gens vivent, ils savent qui est considéré comme étant voisin et qui ne l'est pas. D'accord ? Cela varie en fonction des lieux et des personnes. Mais souvent ce qui est répandu, il est venu des Aqwal comme celui de Aïcha, ou d'autres qui disent que le voisinage s'étend sur une distance de 40 maisons, approximativement. Non. Fouma yakoul. Wallahi, ba'duhum ma yata'ahad, sahib al-bab, ala al-yamin, wa ala al-shimal, wa ala al-amam, mukassiruna fi hadha, walakinna nas'al Allah al-afiyah, la bi ziyaratin marid, wa la bi ta'ahud halati illa man rahim Allah. Donc il dit, en jurant par Allah, qu'il y a certaines personnes qui ne se vouent pas d'amitié, qui n'entretiennent pas de lien avec leurs voisins, c'est-à-dire celui qui ne serait-ce qu'à la porte de droite ou à la porte de gauche, ou celui qui serait en face, nous sommes extrêmement négligents, hein, extrêmement négligents. Sur ce point, cependant, nous demandons à Allah la prémunité. Aucune visite, ni celle du malade, ni celle pour prendre de ses nouvelles. À part ceux à qui Allah fait miséricorde. Pour dire que les gens sont très peu qui prennent en considération les droits du voisin et ne donnent pas d'importance et ne se soucient pas à leur voisin, ne serait-ce que plus proche, ne serait-ce que d'une porte, à droite ou à gauche. Wa rabbuna subhanahu yaqul wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wa jari dhil qurba wa jari dhil qurba wa jari junbi Donc dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit adorez Allah et ne lui associez rien. Et faites preuve de bienfaisance envers les parents, hein, le père et la mère, et envers les proches parents, et envers les orphelins, et envers les pauvres, et envers les proches voisins, ou le voisin plus éloigné, ou le collègue, ou le compagnon de voyage, ou même le voyageur, ou alors ce que vos mains posséderont, c'est-à-dire l'esclave, le servant, hein, d'être bienfaisant envers toutes ces personnes-là. Wasaya min Allah subhanahu wa ta'ala bil jar wa kadha fi sunna ya abadha iza tabakhta markatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Donc il dit également dans la sunna, là il s'agit quoi? D'une exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, c'est-à-dire dans le verset cité précédemment. Et également dans la sunna, il est venu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité également au bon voisinage. Comme lorsqu'il dit à Abu Dhar, il dit si jamais tu cuisines du bouillon, alors rajoute de l'eau et donne-en à ton voisin. Hein, rajoute de l'eau au bouillon et donne-en à ton voisin. Wa qala lahtaqiranna jaratun jaratiha walaw bi farsana sha'a. Donc il dit qu'une voisine ne néglige pas sa voisine, hein, ne serait-ce qu'en lui donnant un sabot de brebis, on dira. C'est-à-dire d'une bête qu'elle aura fait cuire, un animal qu'elle aura fait cuire de la viande, ne serait-ce que par le simple sabot en lui donnant que elle ne fasse pas preuve de négligence envers elle. Non. والخيانة في الجار أشد من غيرها. قال والله لا يؤمنوا والله لا يؤمنوا والله لا يؤمنوا. كلا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوقائه بوائقه عفوا بوائقه. وربما يكون غافلا ذاك يطلع إلى بيتي وينظر وهذا وهو غائب والمرأة غافلة فهذا أشد إثما نسأل الله العافية. Donc il dit également, parmi les pires trahisons, hein, celle qui est commise envers le voisin est pire que celle qui est commise pour autrui. Le mal fait au voisin est plus considérable et plus grand que celui qui sera commis envers autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par trois fois, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Il dit, qui au messager d'Allah? Il dit celui qui ne préserve pas son voisin de son mal, de son injustice. Et là, le chir explique en disant qu'il se peut que le voisin soit inattentif, distrait, et celui-ci, c'est-à-dire le mauvais voisin, se mette à regarder dans sa maison. Ou alors qu'il soit absent, qu'il se mette à scruter dans la maison de son voisin. Et la femme est présente, et ne fait pas attention, et il la voit. Donc cela est parmi les plus grands péchés. Et le chir dit, et nous demandons à Allah les prémunités. Et nous ajoutons à cela des hadiths qui sont venus, des hadiths qui sont venus où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an yazniya al-mar'u bi'ashr min an-niswa aksaru alayhi an yazniya bi marati jari. Qu'une personne commette la fornication avec 10 femmes, cela est moins grave que s'il la commettait avec la femme de son voisin. Et également dans un hadith rapporté où il dit, dans le même hadith d'ailleurs, la suite du hadith, أن يسرق الرجل عشر أبيات أهون وأيسر عليه أن يسرق من بيت جاره. Donc il dit que la personne vole, cambriole 10 maisons, cela est moins grave pour lui que s'il volait dans la maison de son voisin. Et également des hadiths sont venus pour inciter pour le muslim mustaqim à la khayr qu'il patiente sur les dommages ou les nuisances que pourrait lui causer son voisin. De patienter sur cela. Naam. Comme cela va venir par la suite. وفي ذلك الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفي ضعف أن رجلا كان يؤذيه جاره فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاصبر ثم أتاه مرة ثانية قال اذهب فاصبر فشكى الثالثة فقال أخرج متاعك اترك ذا البيت وهذا الجار فأخذ متاعه فخرج من عند ذلك الجار ووضع متاعه في الطريق فكان الناس يمرون ويقولون ما له قالوا أذاه جاره قالوا لعن الله جاره. واستدلوا بهذا الحديث على أن اللعن السب والأولى ترك اللعن المعين أو لعن المعين وعليه جمهور. Donc il dit dans une histoire, dans un hadith dans lequel se trouve Abdullah ibn Muhammad ibn Uqayl, et dans ce hadith il y a une faiblesse, le hadith n'est pas authentique, cependant il le cite, le shir, pour dire qu'un homme se faisait offenser par son voisin, alors il vint se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, et celui-ci lui dit retourne et patiente, c'est-à-dire son voisin. Ensuite cet homme revient une deuxième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit retourne et patiente. Il revint se plaindre une troisième fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit sors tout ton mobilier dans la rue, toutes tes affaires dans la rue, et délaisse cette maison ainsi que ce voisin. Alors l'homme prit ses affaires et sortit de chez ce voisin-là. Il posa ses affaires dans la rue. Et les gens passaient en disant, que lui arrive-t-il? Ils dirent, son voisin lui cause du tort, lui fait du mal. Alors ils dirent, la'ana Allah ou jara. Vous voyez? Là dans le sens, la'ana, yani on dira qu'Allah maudit son voisin. Mais le sens voulu ici, là, c'est pas, ikhraj ana rahmatillah. C'est pas le fait de sortir la personne de la miséricorde d'Allah. C'est tout simplement le fait de l'insulter. Comme le shir le dit, que par la suite, que le fait de l'a'na, ça peut avoir le sens de l'insulte. Hein? Le la'n, ça peut être aussi le sens du sab, l'insulte. Et que qu'il n'est pas permis également d'appliquer cela sur une personne toute désignée. Tu fais la'n Allah ou fulan. Le fait de maudire une personne ou d'insulter une personne comme ça, toute désignée, cela n'est pas permis, bien qu'il y ait une différence sur le sujet, et que tel est l'avis de la plupart des savants. Donc il poursuit en disant Qu'ulu, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyuqim dayfa. Donc celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son invité. Donc là, c'est la troisième partie du hadith qui, elle, revient au droit de l'invité. Fi hadith Abi Shuraih al-Adawi, falyuqim dayfa. جائزته وجائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة متفق عليه. Donc dans le hadith rapporté par Shuraih al-Adawi, qu'il dit qu'il honore son voisin de par son son voisin, son invité, la personne qu'il accueille chez lui, de par son droit. Et son droit, c'est un jour et une nuit. Et que l'hospitalité, elle, c'est-à-dire celle qui est recommandée, légiférée, est une durée de 3 jours. D'accord, le 3 jours. Et celui qui rajoute, c'est-à-dire celui qui rajoute à cela, alors cela est une aumône, sadaqa. Et le hadith, c'est muttafaqun alayh. Non. Donc il dit, wal ja'izatu dakhilatun fi thalath ayyam. Ma huwa yawm rabi', walakinna ashadu tajdidan fiha min haythu ikram ad-dayf. Donc il dit, ja'iza, c'est-à-dire c'est la chose qui est obligatoire, est incluse dans les 3 jours. Et ce n'est pas un 4e jour. Ce n'est pas 3 jours plus une ja'iza. Non. C'est 3 jours, une ja'iza plus 2 jours. Le tout équivaut à 3 jours. Cependant, cette journée-là, elle ja'iza, le droit du voisin est plus grand et plus en droit d'être rendu. Et qu'à ce moment-là, celui qui accueille une personne dans ce jour-ci doit l'honorer plus qu'il ne le ferait les 2 autres jours. Et qu'il ne lésine pas dans son hospitalité, d'accord, durant cette ja'iza, cette obligation qui est la journée, la première journée, ainsi que la première nuit. Non. Yaqul, ikram ad-dayf wajib, ma huwa mujarrad mustahab, fihi baraka, fa rubba dayfin tukrimuhu fatahsul al-mahabbatu fi qalbihi bisabab dhalika al-ikram, wa tahsul al-baraka fi al-mal wa fi dhalika at-ta'am. Donc il dit, le fait d'honorer l'invité est une obligation, et ce n'est pas un simple acte recommandé. C'est une obligation. Et celle-ci, il en résulte de celle-ci une baraka. Il se peut qu'un simple invité, tu l'honores, et qu'il en résulte de cela, un amour dans son cœur pour toi, du fait que tu l'aies honoré. Hein? Et qu'également, il en résulte une baraka dans l'argent, un bienfait dans l'argent, par cette nourriture que tu l'auras donnée lors de ton invitation, lors de ton hospitalité et de ton accueil. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لما جاءوا الى بيت ابي مالك ابن التيهان قال مرحبا واهلا ما احد اكرم ضيفا مني اليوم وغزا المدية وذبح لهم واتى بالماء والتمر يدل على فاوة بالضيف وهذه عادة العرب من قبل. Donc il dit que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم وابو بكر ou Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'ils se sont rendus chez Abu Malik, al-Tayhani, il leur dit, bienvenue à vous, aucune personne n'est plus honorée par son invité aujourd'hui que moi. Alors, il égorgea pour eux, et vint leur donna de l'eau, ainsi que des tamres. Et cela démontre quoi? L'amabilité à faire preuve envers le voisin, ou envers l'invité, envers l'invité, ainsi que le bon accueil et la chaleureuse hospitalité. Et que cela est parmi les coutumes des Arabes, d'antan, même d'auparavant. Quand le Ta'ala, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام منكم منكرون فراغ إلى أهله فجاء أبي عجل ثمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Donc dans le sens, Allah dit, t'est-il parvenu l'histoire des invités honorés d'Ibrahim? Lorsqu'ils se rendirent auprès de lui, ils dirent « Salam ». lui dit salam aux gens méconnus. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas. Alors il se rendit auprès de sa famille et revint avec un veau gras. Il le rapprocha d'eux en leur disant, ne mangez-vous pas. ذكر الله في كتابه فإن قال تعالوا إلى مكان كذا لكون ذلك المكان ضاق بهم فلا بأس لكنه خلاف الأفضل. Regarde ce noble comportement, c'est-à-dire cité dans le Coran, que Ibrahim leur a pas dit venez pour le déjeuner dans cette pièce, hein, ou à tel endroit. Tel était son honneur envers ses invités, que c'est lui qui s'est déplacé vers eux en leur apportant la nourriture. Hein, c'est lui qui est venu vers ses invités pour leur apporter la nourriture, les servir lui-même. Et que si seulement la pièce, le lieu dans lequel se trouvent les invités est étroit et n'est pas assez vaste et ne met pas les invités à l'aise, alors pas de mal à les convier à se rendre dans une autre pièce plus large en leur disant Ta'alo, Indana, Femekan, Kaza, Wakaza. En leur disant venez dans tel endroit pour vous relaxer et manger, ou boire, ou ainsi de suite. Non, donc pas de mal également. Cependant, le meilleur, c'est que toi, tu te rendes vers eux de là où ils sont, si le lieu est approprié. وَاكَذَا أَيْضًا لُوتْ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُغْزُونِي فِي دَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. Donc de la parole d'Allah envers, à propos de Lot, عَلَيْهِ السَّلَامُ, lorsqu'il dit, c'est-à-dire les hommes qui étaient venus pour pouvoir tenter de séduire ses invités, il dit, ne craignez-vous pas Allah, ne m'attristez pas avec mes invités. N'y a-t-il pas en vous un homme droit, c'est-à-dire doté de droiture ? Fakod yurtaba aza daifihi khziyan lahu wa isatan ilayhi. Yahtaju ad-daifu ila hafawa walaw bil-ibtisama walaw bil-julus ma'a. Wa kullu hadha nahnu mukassiruna fihi walakin kama qila yanfa'uka nushi. Donc il dit, le fait de venir offenser ou déranger les invités, cela peut être une offense envers l'hôte. Hein? Celui qui est l'hôte, cela est une offense envers lui. Quand tu es un hôte, toi, tu as des invités chez toi, et qu'on vient importuner tes invités, cela est une offense envers toi. D'accord? Cela est une offense envers toi, car l'invité a besoin d'amabilité et de confort et de bon accueil. Ne serait-ce que pas un sourire. Hein, un visage souriant, ou en lui accordant de ton temps, en t'asseyant avec lui. Et le shir dit, cependant nous sommes extrêmement négligents sur ce point, c'est-à-dire le shir reconnaît de lui-même avoir fait preuve de négligence sur ce point, seulement par humilité. Il dit cela car beaucoup d'invités sont venus à des medj, et que peut-être parfois, à force d'avoir debout, d'avoir accumulé beaucoup d'occupations et de problèmes, des fois, il ne pouvait pas rendre cela à ses invités. C'est-à-dire s'asseoir avec eux, ou à leur donner de son temps, ou leur donner un visage agréable. Non. Et il s'en excuse par rapport à cela. Cependant, il dit, mon conseil te sera bénéfique, et mon manque à moi ne te nuira en rien. C'est-à-dire, quand quelqu'un te conseille, et que lui-même a des manques dans sa religion, ne lui dis pas, et toi aussi, tu fais ceci, tu fais cela. Tu lui dis, ne regarde pas mes manquements, mais regarde mon conseil, celui-ci sera profitable pour toi. Et mes manquements ne te nuisent pas à toi, ils ne me nuisent qu'à moi-même. Donc prends mon conseil et délaisse mes manquements. Non. Walaw ataytahu ma atayta. Wa huwa yara minka al-abus wa adam al-hafawa ma yartahu li dhalika. Fa ikramu dayfu yu'tabaru wajiban. Wa kadhalika man min shim al-arab, samat al-arab wa min fi'l al-salaf. Donc il dit par exemple, quoi que tu lui donnes à ton invité, et qu'il voit en toi un visage renforné, que tu vois en toi que tu es renforné, que tu es endurci, que tu n'es pas content, hein, quel que soit ce que tu lui donnes, il ne sera pas à l'aise, hein, il ne sera pas reposé en lui. C'est pour ça que le fait d'honorer le voisin est considéré comme étant une obligation. Et cela fait partie des signes et des coutumes des Arabes, et parmi les actions des salafs. Non. وكذا أيضا يذكرون عن بعض البخلاء يذكرها الجاثي الجاحظ وهو مقتزلي وليس بعدل، لكن يذكر أن واحدا من البخلاء كان يقدم أو يقدم على واحد فيكرمه غاية الإكرام، واحتاج الذهاب إلى ذلك البلد وقال يسهل علي لأن هناك صاحب أقدم عليه يكرمني، فقد قدم علينا كثيرا، فلما قدم على صاحبي ذاك وجده في مجلس فسلم عليه وجلس وقال له ما عرفتني؟ قال ما عرفتك. فقال له أنا صاحبك الذي كنت تقدم علي في مكان كذا وكذا. قال ما عرفتك. قال له أنا صاحبك وهذه السلعة التي تعرفها. وأراه السلعة في رأسه. قال ما عرفتك ولو خلعت جلدك. ويكفينا من طيب. Donc il dit, le chir cite une histoire citée par le Jahiz qui est un Mu'tazili et qui n'est pas une personne fiable. Cependant, c'est une histoire à propos d'une personne avare, radine, qui avait pour habitude de se rendre chez une personne qui, elle, l'honorait. Hein? Une personne qui l'honorait pleinement. Donc, un jour, cette personne qui honorait son voisin, c'est-à-dire son invité qui était lui-même un radin, lui-même fut en besoin de se rendre dans la contrée où vit cette personne avare. Donc, il dit, Alhamdoulilah, je suis facilité, car là-bas, j'ai une personne que je connais qui est souvent venue chez moi, que j'ai honoré. Donc, lui, il espère que cette personne-là va lui rendre appareil. Donc, il se rendit là-bas et il trouva cette personne-là. Il lui dit, et donc, il lui passa le salam, il s'assit auprès de lui. Il lui dit, me reconnais-tu? Il dit, non, je ne te reconnais pas. Il dit, si je suis un tel, celui chez qui tu venais, à tel endroit et tel endroit. Il dit, non, je ne te reconnais pas. Alors, ensuite, il sortit de la marchandise qu'il avait, que cet homme radin connaissait à la base. Il lui dit, regarde. Il le met en face de lui. Il dit, je ne te connais pas, même si tu enlevais ta peau. Hein? Même si tu enlevais ta peau, je ne te connais pas. Tellement il est radin qu'il ne veut pas le reconnaître, il lui dit ça. Même si tu enlèves ta peau, ce que tu veux, je ne te connais pas. Non. Pour dire que des gens sont vraiment avares, ils font preuve d'ingratitude envers leurs hôtes. Et également, notre chir, c'était souvent une histoire de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui lorsqu'il étudiait la firasa, le fait d'apprendre à cerner les gens par leur physionomie, par leur trait physique ou autre. Par exemple, tu vois une personne, elle a tel et tel trait, tel caractère, ou plutôt telle caractéristique, tu arrives à savoir si c'est une personne généreuse, une personne courageuse, ou ainsi de suite. Donc l'imam Shafi'i avait des livres étudiés cette science. Et il était en voyage. Un jour, il rencontra un homme avec certains traits qu'il avait, je crois, les yeux bleus et les cheveux blonds ou quoi. Et de ce qu'il avait appris dans ses livres, il dit celui-là, c'est une personne qui est cupide, avare. En se basant sur les livres qu'il avait pris. Et à sa grande surprise, cet homme l'accueillit chez lui, fit preuve d'une bonne hospitalité, lui apporta à manger, nourrit son cheval, lui apporta, le mit dans une chambre avec un lit, et ainsi de suite. Il lui apporta de l'eau pour qu'il se douche. Il l'honora. Donc l'imam Shafi'i dit, mais ces livres-là, ils ne me servent à rien. Ce que j'ai appris dans ces livres-là, il n'y a aucune utilité. Cet homme est tout le contraire de ce que ces livres m'ont enseigné. Que vais-je donc faire de ces livres? Ensuite, le lendemain, il voulut partir. Hein? Il voulut repartir pour poursuivre son voyage. Donc, il vit cet homme et il dit, « Ya Foulen, si jamais tu passes à tel endroit, alors demande à Shafi'i et viens me voir. » Et donc, l'homme se met à regarder le Shafi'i et lui dit, « Hey, tu me prends pour le valet de ton père ou quoi ?» Donc, le Shafi'i, il fut choqué. Il dit, « Comment il me parle ?» Tu as cru que j'étais le valet de ton père? Il dit, alors, l'eau que je t'ai apportée, la nourriture que je t'ai apportée pour ton cheval et pour ta litière et pour ton lit ainsi de suite et pour la nuit passée chez moi, ça te coûtera tant et tant et tant et tant et tant et tant. Donc voilà qui lui amène la facture maintenant. C'est-à-dire que cet homme-là, en apparence, l'imam Shafi'i a cru qu'il était invité et qu'il était honoré, ben en fait non, tout était sur son compte. Hein? Donc cet homme-là était vraiment comme les livres lui avaient enseigné, c'était un radin, comme on dit, un avare, un cupide. Donc l'imam Shafi'i fut rassuré par rapport à ce qu'il a pris dans ses livres. Il lui dit, si tu viens à tel endroit, demande-moi, je te rembourserai, Inch'Allah. Non. Ensuite, Shir finit en disant, je me suis arrêté où? وَيَكْفِنَا عَدَ الْحَدِيثِ مَنْ يُدَيِّفُ دَيْفْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى. Donc une fois, le prophète sallam, un homme se rendit auprès de lui et il n'avait pas de quoi l'inviter et l'accueillir. Donc il dit, qui invite l'invité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est qui? C'est Abu Talha qui s'avança et dit, je le prends en charge. Il sera mon invité ce soir. Et Abu Talha, lui-même, n'avait pas d'argent. Il n'avait juste le repas qui lui suffisait pour sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il fit? Il dit à sa femme, prépare le dîner, laisse ses enfants le voir, et tarde afin qu'il puisse s'endormir. Et éteint la lumière, baisse la lueur de la chandelle. Comme ça, on fait croire à l'invité qu'on mange, et lui-même, le plat que tu as préparé, tu le donnes à lui. Et il mangera. Vous voyez, il mangera. Donc de là, Abu Talha en fut récompensé et reçu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager pour cet acte qu'il avait fait envers cet invité. Du fait qu'il a devancé son invité sur lui-même. Et cela est l'excellence dans le fait d'honorer son invité. Hein? Le fait d'honorer son invité. Cependant, cela est juste une chose recommandée. Pourquoi? Car également, il est venu un hadith rapporté par Salman, où il dit Nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an natakallafa lidayf ma laysa indana. Rapporté par Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous surcharger pour nos invités de ce que nous n'avons pas. Par exemple, toi, tu es en difficulté, situation difficile, et un invité te vient, ne te mets pas sur les épaules ce que tu peux supporter. Si tu t'endettes et que tu es en mesure de rembourser, fais-le. Sinon, donne-lui ce que tu as. Et tu seras récompensé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta niya, Allah, il la connaît. Non, par rapport à ça. Donc là, sachez le charte de ce hadith, qui était que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise le bien ou qu'il se taise. Et que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il honore son voisin. Donc là, nous avons cité quelque chose des droits du voisin. Hein, qu'il soit musulman ou kafir. Les droits qu'il a, et la patience à faire preuve pour les dommages que l'on pourrait subir à cause de ce voisin. Et également que le péché causé envers le voisin est plus grave qu'envers autrui. Et également le fait d'inviter le fait d'honorer son invité, qu'une personne te vient, qu'elle a un droit sur toi qui est un jour et d'une nuit. Et que l'excellence dans l'hospitalité, c'est 3 jours. Et qu'après cela, si tu rajoutes, cela est une sadaqa, une aumône. Et que tu donnes à ton voisin, à ton invité, de ce que tu as toi, tu l'honores. C'est un droit qu'il a sur lui. Les savants, c'est un khilaf, ils disent que cette obligation n'est que pour les gens des campagnes, des villages, des contrées éloignées. Celles dans lesquelles ne se trouve pas d'hôtel ou de restaurant ou ainsi de suite pour les personnes riches. Mais que dans les villes où tout cela est présent, auberges, restaurant, hôtel, institut, et celui qui a dans les moyens de pouvoir subvenir à ses propres besoins, lui, ce droit-là ne lui revient pas de façon obligatoire. Hein, comme Cheikh Fozen dit cela, ou Cheikh Salih Al-Echir dit cela, ainsi de suite. Seulement, Cheikh Yahya lui voit qu'il n'y a pas de différence et que l'invité, où qu'il soit, et qui qu'il soit, riche ou pauvre, a ce droit qui est un jour et une nuit, et qui est complété par 2 jours et 2 nuits, pour atteindre la bienfaisance et que le reste n'est qu'une sadaqa. فبهذا القد نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.